Bon, les gars, à soir, c'est le premier podcast de la saison. Yeah! Woo! OK, je sais ce que vous allez me dire, les amateurs au Québec sont gros, sont forts, font peur! Mais ouais. C'est quoi notre force à nous autres? Ça serait pas de chialer un peu plus fort? Ouais. Je pense que oui, moi. Qu'est-ce qu'on sait des amateurs? C'est des émotifs. Puis qu'est-ce qu'on a de plus que les amateurs, nous autres? Ouais, on a des micros! Ouais! Ouais! J'aime ton attitude, toi. Bon, à soir, va falloir jouer à court d'un homme. Le 98, Galipo, hein, c'est blessé. Ah, mais quel genre de blessure? Blessé au bas du corps. Hein. Ah, ouais. Trop de porn, 60 pouces. Pow! Bon, ouais. Ah! Bon, ouais, les gars. Tout le monde, vos bâtons au centre. Pog. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la soirée du podcast. L'alignement de départ pour ce soir, le numéro 75, Jean-François Cromp, le numéro 13, David Thibodeau et le numéro 7, Martin Véro. Hey! Yeah! Salut! Salut les gars! Bonsoir. Salut. Et bienvenue à la soirée du podcast, premier épisode de la saison 2012-2013. Oui! Podcast, yes. Qu'on débute à l'instant. Oui! Alors, podcast de discussion sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey en général. On commence en disant qu'on devait être quatre ce soir et malheureusement, on a un de nos joueurs qui s'est blessé à l'entraînement. Ouais. Le numéro 98, Alex Galipo, blessé au haut et au bas du corps simultanément. Bon. C'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Je sais pas trop quoi dire sa blessure d'Alex Galipo. Alors, pour expliquer vite, ce qui va se passer dans ce podcast, c'est qu'on va être séparés en trois blocs de 20 minutes, donc trois périodes. Et si le besoin se fait sentir, on peut aller en prolongation. Oui, et par la suite, on peut également aller en tir de barrage, et là, c'est de l'argumentation et des débats. Ou des sujets rapides qu'on peut ou répondre. Ou des sujets rapides, oui. C'est vraiment des tirs de barrage. Là. C'est ça. Fait que c'est la structure, c'est la seule structure qu'on va avoir, le reste, on est très lousse. Alors, je propose qu'on commence ça, les gars, immédiatement, ouais, ben avec la première période. Et voilà, c'est parti, les gars, pour la première période. Commençons par le retour du lockout, parce que c'est le premier show de la saison qu'on fait. Le retour du lockout, le début de la saison qui vient de se commencer il y a quelques semaines. Oui. Aimez-vous nos petits Canadiens du Montréal? Ben, jusqu'à date, ça va bien. Oui. Oui, j'aime bien ça. J'aime l'attitude. Oui, mettons qu'il y a un gros changement de philosophie qui a été implanté dans l'équipe, puis on se rend compte qu'on est à des années-lumière de ce qu'on a vu comme... fin de saison l'année finalement, passée. Finalement, l'ère gainée est vraiment, vraiment terminée, j'ai l'impression. C'est fini. Débarrassé, c'est enfin. Ouais. Même, c'est plate de dire ça. Aujourd'hui, là, mais... avec Therrien qui a éliminé la célébration de Subban et de Price. On peut voir ça. On sent là, que vraiment le pont est fait, il est détruit avec l'ancienne association qui était comme, tu sais, dans le fond, là... avec Gauthier puis tout ça, je pense qu'on veut même plus garder absolument. Puis c'est peut-être pour d'autres raisons aussi qu'ils veulent plus rassembler l'équipe. C'est de sortir carrément, aller vers autre chose de complètement différent. Moi, je pense qu'il a vraiment voulu éliminer tout ce qu'il y avait rapport avec ça. C'est fini. Puis maintenant, on tourne une page puis on est ailleurs. Ben justement, on va commencer vu que l'équipe, la direction du Canadien a beaucoup changé depuis l'année passée. Marc Bergevin. Oui. On parlait de Piqué-Souban, justement. Comment avez-vous aimé les négociations qu'il y a eu avec Piqué-Souban? Il l'a fait patienter un peu. Moi, j'ai bien aimé Bergevin là-dedans. Je pense qu'il a montré qu'il ne se laisserait pas influencer par le petit grand gueule qui se fait genre acclamer par tous les partisans. Puis je suis content dans un sens que Piqué ait signé parce que j'aurais été déçu de le perdre pour qu'il aille ailleurs et qu'il se torche. Mais en même temps, c'est un risque. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais lui, il avait dans sa tête beaucoup trop une grosse valeur pour, par rapport à ce qui a été payé pour vrai à la fin. Là. Ben, il en mérite de l'argent. Ah, il mérite de gagner un bon salaire. Il mais doit mettre des culs dans un contrat de transition, c'est bon en même temps. Puis tu sais, c'est pas le premier à avoir passé par là. Là mais dire. Les salaires en même temps, puis les défenseurs, c'est tout le temps cher. Là. Quand tu regardes le Wisniewski là, qui a signé à New York là, pour 5 millions, là, je veux dire, parce que lui est capable de mettre une pinotte dans le top corner là, là, sur un power play. Mais à part de ça, en défensive, c'est de la merde. Il est bien ordinaire. Il paye 5 millions pour ramasser une vingtaine de buts. Il fait une couple de bonnes mises en échec. Il est capable de dropper, mais sinon. Wisniewski, moi, c'est comme Bergeron. T'avais Sheldon Surrey aussi dans le même style qui a été payé beaucoup trop cher après ça là, pour avoir pas fait grand-chose. Mais dans le temps qu'il était à Montréal, par exemple, Surrey, c'était un joueur qui était... Il a quand même été un des meilleurs défenseurs de la Ligue dans ces années-là parce que c'était lui qui faisait le plus de points et même de buts. C'était un des meilleurs scoreurs du Canadien. Mais ça, c'est l'année qui est revenue après. Il s'était pété un poignet, je pense. Il avait fait 20 quelques buts. C'était comme le meilleur scoreur de l'équipe. Là, c'était un défenseur. Mon gars, à chaque fois, là, ça avait d'allure. Les même si le gardien était là pour l'arrêter, ça passait. Ah non, il n'y avait rien à faire. Là. C'était un flash. Mais... c'était pas rapport à ce qu'il faisait. Là. C'est comme Bergeron et tout, Marc-André Bergeron. Là. Ouais, un hostie de garnotte. Là. C'est pas d'allure. Là, pour ça rentre au poste. Ouais, c'est assez particulier. Là. Des petits gars de même, là, pas gros, là, pareil, comparativement à des gars de, je sais pas, 6 pieds 4 puis pour le 200 quelques livres qui sont pas capables Shara, de faire un slap shot. De fou, tu sais, qui n'ont pas des grosses. Comme ça, Rec, là, aucune garnotte, là. Ah non. Bergeron, puis ça, des slap shots. Ouais, non, mais Shara, il a une méchante garnotte, par exemple. Non, mais Shara, lui. Il a tellement de portée, lui, il va chercher Esti à Chicoutimi, même. Shara, là, c'est pas. Passe par Moscou, puis. Hein. Shara, c'est pas à force de la garnotte qui est inquiet, lui, c'est s'il va péter son bâton, tu sais, s'il a fait, là. Une fois sur deux, on dirait qu'il. Le bâton, il t'offre pas. Ouais. On parlait des négociations avec Piqué Subban. Le retour de Piqué Subban dans la formation, probablement demain. Là, aujourd'hui, on enregistre. On est le 1er février 2013. Juste de quoi je veux dire, là, les négociations. Moi, c'est un point que j'ai trouvé moins cool aussi, c'est que je trouve malheureusement que les médias se sont emparés de ça. Puis des genres de statuts style Bergevin passe le KO à Subban. J'étais comme. Tu sais, moi, je voyais pas ça de même. C'est pas un affrontement. C'est pas un affrontement. Puis on dirait qu'ils ont voulu essayer de créer une genre de guéguerre, là, de je sais pas quoi. Mais les médias à Montréal ont tellement de tribunes puis de trucs à couvrir qu'ils. Mais je trouve ça mauvais. Ils vont extrapoler. Ils vont juste comme craquer Subban. Ah, mais ça, tu vois des affaires de même dans le journal de Montréal. Mais tout le monde disait, là, tu sais, là, Bergevin, là, il a. A gagné la négociation. Ben, il a gagné. Moi je dirais. Retenu son point. Moi, je dirais pas qu'il a gagné. Je dis juste qu'il a réussi à se faire respecter là-dedans. Puis je pense que c'est plus de cette façon-là, il faut le voir. Pas une question genre qui a été meilleur que l'autre. C'est une question de savoir. OK, y a-tu quelqu'un qui a été genre. Qui s'est fait léser là-dedans? Non. Je pense pas que Subban, là, il se fait avoir, pas en là, tout. Pas en tout là. Ben non. Il va revenir dans deux ans. Là, s'il fait ce qu'il est supposé de faire, il va faire sauter à la banque. Là. Fait que il va être gagnant en bout de ligne parce que là, il aurait eu moins que peut-être ce qu'il pourrait avoir dans le fond, tu sais. Ben, dans le fond, il va se magasiner des années supplémentaires. Là. À peu près au même salaire encore parce que. Ah non, il va aller chercher bien plus. Là, il fait genre 5 millions pour 2. 5 millions sur 2 ans. Ah, s'il performe, il va aller chercher plus que ça. Là, il va faire facilement 5-6 millions en montant. Là. S'il donne un show, puis en plus, il fait gagner des games, puis il fait des buts, probablement qu'il va aller chercher plus que ça, comme David dit. Ça va être 5-6 millions en montant, puis ça va être des contrats 5 ans et plus. C'est sûr que ça va aller dans ce style-là. J'ai hâte d'avoir le salaire, c'est sûr, parce que... Mais c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, Markov, son contrat va être fini, lui. Le général? Ouais, bon, ouais, gars, 2014-2015, clac. Dave, tu regardes tes feuilles, là... De salaire. Là. Fait que là, tu libères 5 millions, là, 7 750 000 pour Markov. Ouais. Là, tu vas-tu le garder dans 2 ans? Si t'as un, mettons, un. Ben, s'il ne se blesse pas, c'est sûr que tu veux garder Markov. Puis Markov, c'est sûr qu'il finit sa carrière à Montréal. Là. Markov, il voulait peut-être pas que Subban y revienne, lui. Hein. En tout cas, il goal en tabarnak depuis le début de la saison. Ouais, Markov, il perdra pas son temps de power play. Puis non. Il va pas laisser sa place. Markov, non, mais là, Markov là, qui est Subban... comme en plus, tu sais, qui est le, l'architecte derrière tous les buts du Canadien. Ouais, c'est ça. Ben, ça vient tout de Diaz puis Markov, c'est toujours ben, plus de points. Terrien a dit qu'il briserait pas la chimie de Diaz, Markov. Mais Piqué, retour de Subban, mais il va être sur le deuxième avantage Piqué, numérique. Piqué, à l'entraînement, il était sur le deuxième avantage numérique avec Bouillon. Avec Bouillon, ouais, c'est ça. Mais justement, pour pas sauter les étapes dans nos sujets, on est d'accord sur le cas Subban qui réintègre la formation. Ben, les médias, sont, comme tu dis, Dave, tantôt, s'en sont emparés de ce cas-là. Ils sont allés poser des questions aux joueurs. OK. Par rapport au retour de Subban, s'il était content qu'il revienne ou pas. Puis, c'est pas tous les joueurs qui étaient contents de répondre. Non, non, non, il y a eu des commentaires. J'ai un petit clip audio ici, un extrait. On va entendre Markov et puis Georges. Markov a... J'ai entendu, moi. On l'entend en gros guillemets, là. Ah, oh, ouais. Fait que Markov et Georges. We're going to talk about tonight's game and tomorrow night game. Okay. I'd like to see the question about tonight's game and tomorrow night game. Sorry. To be honest, I'm glad that we don't have to talk about it anymore. It's a non-issue anymore, and we can focus on playing the games, getting ready for the games without anything else to think about. Bon, là, dans le fond, là, en gros, Markov s'est fait poser la question « Qu'est-ce que tu penses du retour de Subban? » Il a dit « Je veux me faire poser des questions par rapport au prochain match. » À la game d'asseoir. À la game d'asseoir ou des games qui s'en viennent. Je m'excuse, mais je réponds pas à ça. Puis Georges s'est fait poser la même question. Puis il a dit « Es-tu content? » Ils ont demandé s'il était content que Subban revienne. Puis il a juste répondu que il était content que ce soit un non-issue, genre que ce soit plus un problème pour l'équipe. Il a jamais répondu « Oui, je suis content qu'il soit là. » Mais il a dit, en fait, « It's a non-issue. » Je suis content, on va arrêter d'en parler. Mais c'est ça, mais il n'a jamais spécifié « Oui, je suis content que Subban revienne. » Non, ça, il dit, c'est comme ça n'a pas rapport. C'est pas « Oui, je suis content » ou « Je suis pas content. » C'est tout, c'est réglé. Là. Ben, les joueurs de hockey, là, c'est des très bons politiciens là, pour détourner les questions et éviter les questions. Mais ça, c'est correct comme réponse. Là, c'est... Non, il a été bon, puis à part de ça, c'est parce que c'est pas rien que ça. Georges, il a le « A » sur son chandail, puis c'est comme... Subban, là, Markov aussi, non, je sais, mais pour moi, c'est parce que Markov, je sais que c'est comme Markov, il est moins apparent comme type de leader. Là. Ouais, Georges, on sait que c'est un gars là, qui mange des pucks dans la gueule. Là, t'sais, là. Puis, t'sais, je veux dire, la manière qu'il joue, c'est un warrior, ce gars-là. Ouais. Puis, en même temps, je trouve que comme déclaration, pour moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est genre, on n'a pas le goût de parler de ça parce que lui, c'est un jeune, c'est une rookie. Il embarque dans notre bateau à nous autres. Nous autres, on n'embarque pas dans son bateau. Lui, il embarque dans notre bateau. Mais ça, faut qu'il embarque aussi. Exactement. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est correct. Puis d'après moi. Puis ça a l'air de faire partie de la nouvelle mentalité de l'équipe, d'être plus justement une équipe. Une équipe. Ben, ils ont de l'air assez mental toughness. Là. Ça transparaît dans les commentaires de Subban parce que lui aussi s'est fait poser la question. Il était low profile. Là. Ben, j'ai le clip audio d'un extrait de quelques-uns de ses commentaires à piquer Subban. On écoute le petit. When you come back in the dressing room, it's a team concept. It's about everybody in the room. It's not about one individual or another guy's opinion. It's about everybody coming together as a team. And I think that we've done a great job so far this season. I mean, you look at this team compared to last year, it's completely different. I'm going to focus on my job, and my job is just to get myself ready to play hockey. I'm not going to play coach or GM and try to dissect that. That's not my job. I'm going to let Michel Therrien and Marc Bergevin do that. I think as a player in the National Hockey League, you always know that you have to continue to prove yourself, especially in Montreal. You have to prove yourself every night, and that's the great thing about playing in this city, and that's the great thing about playing for a coach that demands and gets the best out of his players. On sent que Piqué Subban a été briefé. Là. Il est bon. Il y a une grand gueule. Il est bon. C'est ça. Là, la météo, là, ça l'a servi. Là. Ouais, c'est trop beau. Là. C'est quasiment, la météo. C'est quasiment écrit. Il fait quasiment un texte de film. Ah, c'est débile. Ouais. C'est un bon acteur. Là. Les premières lignes sont bonnes, puis après ça, il étire la sauce. Il étire en salle. Ben, il est de même, c'est un gros parleur. La sauce est épaisse. Il y a sa personnalité aussi. Il ne faut pas qu'il brime à 100% non plus. C'est ça. Mais la cassette n'a rien à embarquer. Là, hein? Au moins, ça partait bien. Son intention partait. Puis Therrien, en plus, il a une bonne réputation avec les jeunes. Il a quand même remonté le team de Pittsburgh, Therrien. Il a pris de l'expérience. J'ai tendance à y faire confiance. C'est pas le même coach qu'on a eu. C'est parce que, déjà, Therrien, juste regarder une game des Canadiens, là. Il y a de la vie en arrière du banc. Là. Parce que j'allais dire, il y a eu plus d'action en début de saison, en 4 matchs, que depuis 4 ans à peu près. Ouais, c'est l'enfer, moi, sérieusement. En tout cas, en tant que partisan du Canadien, quand je parle en partisan, je suis heureux de voir ça parce que ça me réconcilie avec la saison de merde qu'on a l'année passée. Moi, ce que j'aime, c'est que, première chose que j'ai remarqué vraiment gros, Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans les dernières années avec, mettons, Martin. Jacques Martin. Puis l'autre, Gauthier. Là, Gauthier. Puis l'autre là, qui a remplacé Martin Esti. L'anglais. Word. Hein? Le gars qui a écopé Connie Ouais, Connie Word. Bon. L'anglais. Tu sais, quand Gallagher. quand Gallagher puis Galchenyuk ont compté leur premier but. Terrien, il va en arrière d'eux autres, puis il est content. Il a un sourire d'en face. Ah ouais, il se penche, la tape dans le dos, puis yes, sir, en courant. Ah ouais, puis tu sais, vraiment, il monte. Un bon père de famille. C'est ça. Jacques Martin, lui, il avait les mains en arrière du dos, là. Puis là, tout ce qu'il faisait, là, c'est il mettait une main sur l'épaule, un petit signe de tête par en avant, un petit signe de tête pour dire oui. Puis il prenait une note dans son cœur. C'est bon. Il mettait sa main en arrière, puis il regardait tout le temps droit devant lui. Il regardait même pas le jeune, là. Il faisait juste. Signe de tête. Ben, la preuve qu'il est vivant, mais Terrien, cette semaine, il arborait plutôt une chemise rose. Terrien? Ouais, mais Terrien, il a tout le temps été critiqué pour ses outfits, pas mal. Hein. Oh, c'est bon, sa cravate jaune. Il y en a un autre tout à l'heure qui va venir dans le troisième bloc, là, certain Don Cherry. Là, on en reparlera de ses. On va-tu parler de Don? On parlera de Corée. Ouais, Don fera partie du podcast tantôt, mais. Donny Boy? On mange juste Don Cherry. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous pensez du système de jeu de Michel Terrien? Son nouveau système avec un échec avant. Là. Crash the net. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, me semble. Des joueurs qui crashaient le net et qui arrivaient, qui se plaçaient devant le goaler direct. Ils génèrent de la On n'avait pas les joueurs non plus. Là on est rendu. Tu sais, veux pas, René Bourque, c'est un gros gars. C'est un peu ça qu'il est capable de faire. Galchenyuk, c'est un gros gars. Le Pacioretty est blessé, mais c'est quand même un gars solide. Cole, on a plus de gros gars Prost, qu'on n'a jamais plus de eu. Poids. Prost, il n'est pas grand, mais il est solide. Ouais, il fait sa marque. Il n'est pas tassable. Ouais, c'est un petit bloc. Là, genre, il est peut-être genre 5 pieds 11, 6 pieds top. Ah, il graine en tabarouette. Puis la 4, là. Mais c'est parce que là, je trouve que c'est. Là, dans le fond, on a comme. Ça rentre plus au poste, là, OK? Puis les défenseurs, ils viennent plus appuyer en attaque aussi, tu sais. Le forecheck, il est pas mal plus intense. Ben, il est plus profond dans la zone. Dans le fond, ils vont beaucoup en arrière du but, tu sais. Avant, ils allaient, mettons, à un joueur. Là, ils vont y aller plus comme à deux. Puis ils foncent plus, puis ça paraît. Les occasions de marquer sont bien plus nombreuses. Puis, justement, là, Alex, qui n'est pas là, m'a laissé quelques notes qu'il voulait que je dise comme ça. Lui, il dit le sport mutuel entre l'attaque et la défense. Ben, ça, c'est parce que le jeu de Michel Terrien, il est beaucoup axé sur. Le centre, c'est le joueur qui se replie défensivement. Ouais. Fait que tout de suite, quand il y a quelque chose qui se... Dans le fond, le centre, c'est le pivot, vraiment. Puis il l'utilise vraiment comme ça. Fait qu'il le place vraiment à sa place, au centre. Puis il faut qu'il soit plus reculé un peu comme vers l'enclave, là, comme là, pour pouvoir diriger les rondelles puis être prêt à reculer quand il va avoir, mettons, une contre-attaque. Checker, t'sais, ouais, ça. Fait que oui, c'est un bon style de jeu. Moi, j'aime bien ça. Ouais, mais c'est un style de jeu qui est le fun à regarder aussi. C'est plus intense. L'année passée, on était basé vraiment sur un club défensif. Ouais. Puis on avait une défensive de merde. notre défensive, c'était même pas intéressante. On se faisait scorer des buts à tour de bras. Puis à part de ça, on générait aucune attaque. Si on avait la chance de marquer deux buts d'un match, fallait survivre avec ces deux buts-là pour le restant de la game en espérant sauver avec la victoire. Ouais, c'est ça. Là, cette pas année, d'attaque. Ce qui arrive, c'est que Montréal. Tout le monde compte, tout le monde contribue. Ben, tout le monde contribue. Je trouve que ça faisait longtemps que Montréal n'avait pas eu comme quatre trios équilibrés. Tu sais, comme. Parce que là, tu as le quatrième trio qui grind au bout. Parce que tu sais, avec White, Moen. White Moen Prost non c'est pas Prost qui joue il joue avec tu parles du quatrième trio? Ouais, trio Armstrong mais il y a Armstrong c'est pas fou là ouais mais c'est pas grave il déplace de l'air pareil là puis White il est encore il fait des petites conneries là. White il parle de son 4 minutes là, dans le fond avec Ottawa là, ouais, tout mais ça, il en a fait une couple il s'est fait parler par Terrien White justement par rapport à son indiscipline mais il est intense ce gars là là. Ça en prend aussi là, de ça. Là. Ouais, White a une grande gueule puis il est capable de foutre le trou. Mais c'est un bon quatrième trio, moi, je trouve. Ce que j'aime bien de Terrien aussi, c'est qu'il niaise pas avec les joueurs qui jouent pas bien Terrien. Il a pas l'air d'avoir la main molle. Là, Pacioretty est blessé, ça va bien, c'est bien beau. Qui c'est qui va écoper, mais que Pacioretty revienne? Ouais. Que Pacioretty revienne, pour vrai. Pacioretty est déjà revenu en plus. Ouais, ben, il reviendra pas pour au jeu, mais il y a un patiné avec ses coéquipiers aujourd'hui. Une semaine, même pas une semaine après avoir une. Hey, ils ont des bons médecins, hein? Hey, je fais une grosse parenthèse. Palouchai? Non, c'était pas Palouchai. Blondin, excuse. Blondin? Ouais. Lui a été comme renvoyé au Mais ouais. Fait qu'il y a Pacioretty, mais qu'ils reviennent, là. Qui c'est qui prend le bord? Bonne question. Heller? Ben, c'est... Ben... Aujourd'hui, j'ai vu des rumeurs. Moi, tu me mets pas comme Heller puis Pacioretty là, à one-on-one. Là. Tu sais, je veux dire, le choix est évident là, pour moi. Là. Je veux dire, c'est justement, pas... mais est-ce que tu vas garder Heller ou tu vas enlever, mettons, un Armstrong ou un White ou un... Ouais, t'as pas le choix, là. Ben, tu sais, je veux dire, mais puis, Heller, en même temps, je pense que son temps, il est comme... T'as Petteri? Petteri, il est pété. Ouais, mais Petteri, mais qu'il soit revenu, sa blessure. Je pense pas qu'il va faire partie de l'équation ben longtemps. Non. Non. Allez, mise en jeu, man. Mise en jeu. C'est important. Non, parce que White, moi j'aime bien White, Moen. Ah, oh, ben oui, l'intensité. Moi, celui-là que je comprends pas, c'est Moen, dans le fond. Là. Ouais. Pourquoi il est comme prolongé ou. Le contrat. Il a signé un bon contrat. Je me souviens même plus. Il y a une couple d'années, lui. Là. On a ça ici. J'essaie de checker ça, là. Ah, tu vas l'avoir dans la première page des attaquants, c'est sûr. Ça doit être... Ouais, on l'a signé ça. Deux ans, une affaire de même, là. Ça doit faire 1 million un 1,5 million. Ouais, 1,8 million, là, dans le fond. 1,8 million, ouais. Quatre ans. On l'a-tu pour 4 ans, non? Non, peut-être 3 ans, quoi, non? Moen, on l'a jusqu'à... Ouais, bref, ça. On l'a jusqu'en 2015-2016. Ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, Moen, personnellement, là, il m'a toujours déçu. C'est un bon contrat. Mais toujours déçu là, pour ce qu'il faisait. Puis pour d'habitude, Moen compte 6 buts dans une saison. Dropper, non, mais Moen, là, c'est un gars de 6 buts, OK? Puis il compte tout le temps comme en début de saison. Ouais, mais moi, après Moen, ça, il fait rien. Là. Ouais, mais moi, les buts, Moen, je m'en fous. Là. J'aurais voulu qu'il frappe les mythes, hostie, là. Non, mais c'est ouais, mais sauf que là, par exemple, qu'est-ce qui est pas pire, c'est que t'as Moen qui peut dropper, t'as White qui peut dropper. T'as Prost qui peut dropper. Ah, mais il a perdu le feu sacré, moi. Il a dit déjà eu. Il a plus l'œil du tigre. Non, mais dans le temps qu'il était à Anaheim, là, sérieusement, là, il brassait, là. Ah, dans ce temps-là. Dans l'Ouest. Dans le bon vieux temps. Brassait plus que ça, là, ma sable. Là. Aujourd'hui, c'est de la mort, même, quand Moen y joue. Ben, parlons rapidement d'un bon move qu'il y a eu également de la direction. Le débarrassement, disons ça comme ça, de Scott Gomez. Là. Ah, ben ça. Scotty Gomer qui est parti avec les Sharks de San Jose. Ouais. Ça, c'est. Qui a manqué un filet ouvert. le gourdin par-dessus la palette. Là, pis, Pauvre gars. Ça marche pas. Lui, le changement de jersey n'a pas suffi. Il est fini. Par exemple, avec les Sharks, il y a une bonne utilité, c'est qu'il fait pogner des pénalités aux autres. Probablement que tout le monde l'haït, tout le monde veut le geler. Je sais pas. Là. Ah, ça doit faire mal, par exemple, l'orgueil, là. C'est pas quoi. Ça fait pas mal sur le portefeuille parce qu'il est quand même encore payé par les Canadiens, plus payé 700 000. Il est payé un dixième de ce que nous autres on le paye pour jouer les Sharks. Cette partie-là, ça va très bien. lui, il a aucun problème avec ça. Non, c'est ça, tu sais, c'est comme open net, puis wow. Mais côté orgueil pour un gars qui a déjà gagné la coupe, de te faire dire comme garde, raison chez vous, on va racheter ton contrat, puis. Décalisse. Ouais, mais c'est quoi le problème avec lui? T'sais, c'est quoi qui fuck? T'sais, je veux dire, il est rapide, il a encore sa vitesse et tout ça, mais il est juste pas capable de. Je sais pas, il fait un jeu, il coupe. Ouais, mais il est pas capable de rentrer dans la zone, man. Il rentre dans la zone. Il a l'air d'un chevreuil, mais... pas de. Comme blinded by the light, bien ouais, c'est ça. Quand il a rondelle, quand il. Hey, quand il réussit à passer, là. Ouais, mais quand il réussit à passer l'autre ligne, là, la ligne offensive, là. Ah ouais. Là, man. Quand il rentre dans la zone offensive, colle la bande, sick, puis là, il sait plus quoi faire, man. Là, il arrête de bouger. Là, il tient à pas. Puis là, il bouge au ralenti comme un peu. Là, il vient comme écarté un peu, là, ses patins. Là, là genre, il tient à pas, puis il bouge pas avec son bâton, là. Là, il avance. Sur le standard, genre. Sur ça, c'est la fin de la première période, messieurs. Ah bon, c'est terminé. Alors, on prend une pause, on se fait un refill de bière et on revient. Oh yeah. On start la deuxième période. Fait que parlons du début de saison, parlons du Canadien vraiment, là, de l'équipe en tant que telle. Parlons René Bourque. Ben là, tu dis parlons de l'équipe, puis après ça, tu dis parlons de René Bourque. Fait que on va y aller un par un. Tu veux qu'on parle de l'équipe, fait que c'est un joueur, puis c'est René Bourque. Ouais, on va commencer par ça. Lui, tu sais, j'essaie de guider ça. Je suis comme Stéphane Langdo. L'équipe tourne autour de René Bourque, c'est ça que tu essaies de dire. En tout cas, le marketing est fait son dos. Marketing. Je sais pas s'il va bien, ils font des t-shirts canadiens René Bourque. Tu penses, tu sais, la série, là, RBK, là, t-shirt là, qui font pas, à capsule Bourque, sportive. Ouais. Je vais bien Bourque, Steve. Numéro 17, Bourque. Ah ouais, j'aurais même mieux avoir, moi, le 77. C'était pas le numéro de la RAC, ça? Ouais. Ouais, dis un oui en plus. L'homme qui s'est fait racheter son contrat. Un autre. Et qui s'est fait perquisitionner cette semaine également. Ouais, oui, dans une affaire de fraude. Mais ça. Si vous voulez des détails sur la fraude impliquant Georges Larac, vous écouterez La Jazette. Ça sera pour un autre podcast. Mais... Dave, ne crache pas ta bière sur ta mousse de micro. Bon, ok. Hey, René Bourque, wow! Pour vrai, René Bourque a un meilleur début de saison que toute sa saison de l'année passée. Ouais, justement, oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il nous a déçus l'année passée, René Bourque. C'est dommage qu'il y ait juste un but, là. Mais il y a déçu partout où ce qui est passé, ce gars-là. Mais là. Ils n'ont pas échangé pour rien. Peut-être que t'as rien, tu sais. Ouais, mais. Quand il a la tête, hey. Il travaille fort à date. Travaille fort, mais pour combien de temps? C'est t'sais, ça. Puis la saison est jeune, puis là on part. Ouais, la saison est jeune, puis la saison est courte. C'est ça qu'il faut penser. C'est ça, ouais. L'année prochaine, il est encore nous autres, lui, l'année prochaine? Je sais pas, je vais checker. Puis ces feuilles de statistiques-là, faut mieux les préparer de bord. Là. Oh, ouais, il faut que ce soit frais. Il y a même pas de colonne, on voit rien. C'est dur à lire en tabarnak. Non, c'est sa première page, c'est les attaquants. Non, là, t'es rendu des recrues, man. Sur René Bourque, ben non, là, jusqu'en 2015. 2014-2015. Puis. Encore deux saisons après cette saison. Excuse-moi. Non? Excuse-toi pas. Trompe-toi pas. Ben, je veux m'excuser. Non, là, jusqu'en 2016. 2015-2016. Bon, c'est ça. Fait qu'on l'a pour une couple d'années. Tu sais, vas-tu être tout le temps travaillant de même? En tout cas. Puis, c'est le quatrième salarié chez les Canadiens, ça, là. Ouais, c'était un 4 millions quelque, ça. Ouais, 4 millions. Puis après ça, 3 millions. Non, excuse-moi, t'as 3 millions cette année, 4 millions l'année prochaine. Puis les deux dernières saisons à 2,5. Mais ah, ben il compte sur combien sa masse de compter pour 3 millions que 2 millions que. Ouais, genre 3,3. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire, mais tu sais, je veux dire, c'est. Pour René Bourque. Mais ça te prend un 20 buts, là, tu sais. Ben, moi, sérieusement, René Bourque, il a tous les atouts pour être un attaquant super intéressant. Un power forward, là. Ah ouais, il est gros. Il joue sur quel trio? Sur le troisième, René Bourque? Ben, présentement, il est sur le premier. Il joue avec Plekanec. Présentement, le premier trio, c'est Plekanec, Gianta, puis Bourque. C'est ça, le premier trio, présentement. Ouais. Parce que Desharnais, à date... Ben, ouais, mais Desharnais, tu veux pas c'est bon comme son. C'est un petit son, genre de laser, on aurait dit comme... Hey, c'était fou ça, pour vrai. Je pensais que c'était comme un son freaky, man, tellement que. Non, mais pour vrai, tu veux pas défaire la chimie de Desharnais avec un Cole. Avec non, Cole, mais Desharnais a de la misère en début de saison, faut ouais, le dire. Faut laisser le temps de se placer. Là. C'est ça. Là, le kid, là, il a plus de vision au jeu que l'Arsenal. Oh, ouais. C'est parce que l'année passée, on était tellement un club de marde, puis il était tellement bon, Desharnais, que. C'est là, on a un meilleur club, fait que ça se balance. Mais il y a Cole non, aussi, là, qui fait pas une job de fou. Là. Non, mais... Cole, il est moins rapide pour moi. Il y a moi, de quoi là, avec Cole et Desharnais? Il y a pas la même chimie. Il montrait des replays, genre de jeu entre Cole et Desharnais. Puis... Darnais. La petite Darnais, là. Cole, la petite Darnais. Puis là, Cole, il montait à puck. Il se faisait ramasser, mais il y avait Desharnais comme à sa gauche ou à sa droite qui était tout seul. Il aurait pu y passer, tu sais... Passe-les à ton centre, justement, pour qu'il te fasse. Ben ouais, prépare ton jeu. Ouais. Ben, ouais. C'est parce que la c'est fin pas un passeur, Desharnais. Tout, là. Je veux dire, Cole, il est pogné avec la puck, puis Desharnais, il se posait aller aider. Le petit Desharnais, il se posait aller aider Cole, là. Je sais pas, là. Mais Desharnais, pour vrai. Desharnais, là. Pour vrai, je veux dire, tu sais, c'est comme niveau lecture de jeu, puis tout ça, où se placer. Ça va venir, ça sera pas long. Moi, je suis confiant là, pour lui, là, parce que je pense qu'il est assez naturel là-dessus. Oh, là. Ça, c'est sûr. Un qui a fait son arrivée cette année avec le Canadien de Montréal, Brendan Prost. Ouais. Parlons-en. Brendan. Aimez-vous Brendan Prost? Le gars qui s'est battu le plus souvent l'année passée. Ouais, c'est lui qui a le plus de combats. Je trouve que c'est un gros contrat quand même, là. Mais, tu sais, bon. En tout cas. Il va nous aider, ce gars-là. Parce qu'on a fini de se faire niaiser par d'autres teams. C'est pas tout le heavyweight de la Ligue nationale. Là. Non, mais... Mais il va être capable de pogner toutes les à peu près n'importe qui. Il va essayer n'importe qui. Il a pas peur. Juste couper genre l'envie à d'autres équipes de venir brasser nos joueurs. Ça, c'est très bon. Man. Je trouve que le fait qu'il l'ait pairé avec Galchenyuk et Gallagher, c'est parfait parce qu'il va les protéger, les jeunes. Ça rappelle dans le temps de Pavel Bourré, Alex Mogilny puis Gino Ojek. Gino Ojek. Gino Ojek était à sa ligne avec Mogilny Bourré. Lui, qui il avait est protégé. Plus, man, en plus, on va parler, les gars, de la défensive un peu du Canadien. Il y a eu un retour cette année dans la défensive. Petit Francis Bouillon est revenu. Yes, sir. Ouais. Bouillon, beaucoup de mises en échec déjà à son actif. Ben, beaucoup. Je veux dire, de ce que j'ai vu des mises en échec solides. Dans les dernières années, Bouillon, il a fini premier dans la ligue pour les Tchèques. Ouais, ben Bouillon. Fait que, peut-être pas l'année passée, mais dans les dernières années, là, il en a fini pas mal. Top check. J'ai un extrait d'entrevue de Pierre Houde avec Francis Bouillon habillé en tailleur. Là. Tu sais, un petit tailleur, là. Bon, ben on écoute ça. On l'aime bien, Pierre Houde. Ben, ah ouais. Pierre Houde, le sympathique. Le Oprah Winfrey des du hockey. On écoute ça. Comment tu évalues ton niveau de forme présentement et de performance par rapport à tes propres attentes? Ben, je te dirais que je suis vraiment bien. C'est sûr qu'on ne rajeunit pas. Je suis rendu à 37 ans. Puis aussi, la situation de mon contrat faisait que le lockout pouvait m'affecter énormément. Sauf que toute bonne chose a une fin. Puis le lockout, ça s'est réglé. Fait que de mon côté, moi, je suis un gars qui s'est toujours entraîné fort, qui a toujours fait attention à moi. Fait que j'ai patiné beaucoup durant le lockout. J'ai joué avec les gars ici à Montréal. Puis je suis un gars qui s'est entraîné extrêmement fort pour que, advenant que ça reparte, que je sois en forme. La plupart des observateurs qui regardent cette équipe qui connaît du succès en début de saison pointent vers les défenseurs. C'est là, je pense, qu'on voit le plus grand changement par rapport à l'an dernier. Tu n'y étais pas l'an dernier, mais quand même. Est-ce que ça fait vraiment partie de l'approche de Michel Therrien, de ses adjoints, de demander que vous puissiez appuyer l'attaque? Oui, exactement. Je pense qu'on est défenseurs de talent ici à Montréal. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on est rapide. On n'est pas la plus grosse défensive. On est des défenseurs qui peuvent sauter, appuyer l'attaque. Puis c'est toujours le fun pour une équipe. J'aime qu'au début, il parle du lockout. Puis il dit, mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Le lockout, c'est une bonne chose. Oui, tu skates avec tes chums à patinoire. Puis tu fais une petite tournée. Ça, cette entrevue-là. Là. C'est retiré de rds.ca. Réalisation Young Media, ça. tout à fait. On a le droit de passer ça. Oui. Hey, ouais. On a choisi qu'on était un podcast qui débute. Mais qui a du beat. Mais qui débute. Non, mais pour vrai. On va faire bosser par Pérus, arrêtez ça. Hey, l'entrevue là, était comme vraiment. Tu sais, so-so. Ah, mais j'ai cru un petit bout dans le bus parce qu'il y a un bout que Pierre, il parle de son âge vieillissant aussi. Fait que. Il dit, on vieillit tous, moi-même, j'ai à dealer avec ça tous les jours. Ouais, ouais, pourquoi ouais. Tu dis ça? Ben parce que qui c'est qui passe l'entrevue? Non, mais c'est parce qu'il... C'est genre Pauloude, Pierre-Houd se confie. C'est pour montrer sa belle proximité avec Bouillon. Ils sont capables de se parler, de dire, on est deux vieillissants, dans chacun nos domaines respectifs. Non, mais pour vrai, l'entrevue est super drôle. Quoi. Ben... C'est pour ça que je l'ai passé. Je savais que vous allez apprécier ça. Drôle. Non, mais c'est ça. C'est cool. Bouillon, sérieusement, là, c'est un gros cliché. Là, c'est le cœur gros, ramassant, belle. Non, mais pour vrai. Il y a le cœur sans la main. Non, mais c'est fun, tu vois, là, par exemple. Oh, non, c'est un... J'aime mieux avoir lui, un Québécois de chez nous, qui... Puis qui fait la job quand même, là. On s'entend. Moi, j'ai toujours aimé Bouillon. J'ai toujours aimé Bouillon. J'ai même qu'on est parti. Exactement. Ça, c'est... Hey, gars, on finit un vrai trio de la mort. On se complète. Ah, hey, on se comprend. Mais non, ouais. C'est quasiment un plan. On l'aime, non, Bouillon. Oui, Bouillon, j'ai toujours aimé. Tu peux pas être Bouillon, man. Pas avoir on l'aime, Bouillon. Francis, t'es invité à la soirée du podcast. Ben ouais. Tabarnouche, ce gars-là, tu sais, là, qui va tout le temps mettre là, la grosse gomme à chaque fois. Puis t'sais, comme il est tout le temps souriant, puis il dit qu'il a l'air content. Puis c'est d'approche, une bonne approche. Ah ouais. Non, sérieusement, pour vrai, on gagne à l'avoir dans l'équipe. Moi, je sais que c'est pas un défenseur de premier plan, tout ça, là, on se leurra pas, là. Mais je veux dire, c'est tant qu'à avoir là, des hosties de non-name, là, on est chanceux parce que là, Caberlé va pouvoir débarquer. Là, ouais. Parlant de la défensive, le retour de Général Markov en santé, on est-tu assez content de l'avoir en santé? On avait oublié à quel point il était bon, Markov. L'histoire du powerplay de Montréal jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Un des meilleurs powerplays de la Ligue nationale, en ouais. Plus, en ce moment-là. Ben, il me semble, non? Ouais, je pense que oui. Ouais, ils sont comme. Top, ouais. Ils sont assez dans les top, là. Ouais, ouais. Je peux pas dire, là, exactement quoi, là. Puis je pense que Markov a battu un record de genre. De buts gagnants pour un défenseur dans le Canadien. On en fait le même. Ben, il y a. C'était drôle parce que la première game qui ont. Leur première victoire, pas contre celle-là contre Toronto. Je veux dire, ça c'était la défaite désastreuse qu'on pensait qu'on aurait une saison de misère. Là. Tu sais, t'envoyais la première game. Là, ben moi, de toute façon, je ne m'attendais pas à une grosse saison. Non, on s'attendait pas à de quoi. Mais je veux dire, la game que Markov après ça, à powerplay, il passait le puck. Finalement, le puck il revient. Puis il se décide de shooter au net. Il score. Puis après ça, il refait ça encore une autre fois. Tu sais, deux buts. Là, la game qui a eu deux buts, j'ai vraiment fait comme waouh, ok, ça c'est cool. Ouais. Parce que il passe bien. Il a de l'air en forme, il a de l'air en santé. Il est dominant. Là. Ouais, ouais, non, c'est ça qui est hot. Là. C'est Markov. Là. Ouais. C'est ça. Il faut juste pas qu'il tombe et qu'il rentre dans la bande. Puis tu sais, le jeu qu'il fait souvent, il faisait souvent ça en powerplay, genre ramener la rondelle sur son patin, puis faire la diriger vers son bâton, puis genre faire un tir comme sur réception avec une passe sur son patin. Ouais, ouais. Il a compté des buts de même. Mais il fonce au net tout de suite. Il n'y a plus à pas qu'il s'approche il s'approche sur le coin du net en avantage numérique. Puis c'est le même qui scorait plein de buts en avantage numérique. C'est ça sa force. Puis il fait là comme si... Ça a tout le temps été ça, là. T'es un ancien joueur de centre, ça. Je pense, dans le temps qu'il jouait en Russie, lui, son junior, tout ça, c'est un joueur de centre, Markov. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est pas mal Montréal qui en ont fait un... Mais il y a des joueurs... Ben non, ça, il était probablement défenseur avant, là. Non, mais il a joué très longtemps à l'attaque, ce gars-là. Ça a été longtemps un joueur... Je pourrais pas dire centre exactement, mais je sais que dans le temps qu'il jouait en Russie, tout ça... Ça se peut, c'est mais un il est sûrement venu défenseur quand même dans son junior. Là. Peut-être plus comme à la fin de sa carrière en Russie, puis là, il est tombé comme dans... Parce qu'il faut quand même que... Pour que tu démarques défenseur, quoi que Markov, c'est pas un top pick, là, c'est genre un choix de cinquième ronde, quasiment. Là. Ouais, mais c'est un gars-là... C'est un bon développement. Il joue comme un top 10 la Ligue nationale en ce moment. Oh, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il est bon, il est très bon. Parlons de l'ultime défense qu'il y a dans une équipe de hockey. Le gardien de but, le début de saison de Carey Price et de Peter Budaj. Très bon. Ben, Budaj. Fallait le mentionner. Budaj, il a pas de la game d'amarde, là. Mais non, mais attendons-nous sur le cas de Price, vu que le temps est limité dans la période, là. Ben, Price. Price, man, c'est un naturel, c'est un bon goaler. Moi, il est dominant, ce gars-là. Ben ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur Price. C'est un des bons goalers de la Ligue nationale. Il en a pas perdu, là. Non. Puis même que. Puis, tu sais, on a une meilleure défense. Il a perdu du poids, Price. Ouais. Il est moins pesant qu'il était avant. Ouais. Donc, des déplacements plus rapides, plus. Ben, tu sais, il vieillit Price aussi. Il a peut-être qu'il se prend plus au sérieux. Il voit qu'il faut faire qu'il travaille. Il se prend plus au sérieux, puis ça paraît. Il a peut-être plus. Tu le vois dans son attitude. Là. Il a peut-être compris que ce qu'il faut gagner, c'est la coupe. L'attitude. Les games, fait qu'il faut qu'il fasse des efforts. Ben, tu regardes l'attitude. Kid, de... ça, là, là. Ben ouais, mais il y a quand même genre 24. Ouais, mais il est arrivé, c'était un 24-25, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, là, il commence à vieillir. Puis, tu sais, ça paraît dans son attitude. Puis, quand tu regardes Carey Price au début, quand il a commencé avec le Canadien, puis tu regardes Carey Price aujourd'hui, il a quand même changé beaucoup, là. Tu sais, c'est pas le même. Mais on s'entend-tu, là, que la première game, là, la levée du flambeau, là, avec la gomme dans la bouche, là, c'était ouais, pas chic-chic. Ouais, ça, il avait pas l'air trop motivé. Il avait de l'air blasé en est. Là, tu regardes ça, t'es comme, ouh. Ouais, mais en même temps, c'est Price, il est comme. Ouais, ben, il est comme ça. Même, là, tu sais, il. Non, mais c'était drôle. Il est là, tu sais, c'est un cowboy, là, tu sais, il est tout le temps comme bien relax, puis, tu sais, pas stressé, puis... Mais tu sais, je veux dire, ils ont essayé de faire une genre de... tu sais, je veux dire, avec le flambeau. Une montée émotive, là, mais lui, ouais, il a pas compris le concept. Lui, il a fait comme, ouais, oh, c'est cool, man, tu tiens un flambeau. M'a chiqué ma gomme. C'était pas de la gomme, c'était une chique de tabac. Ouais. Non, mais moi, je veux dire, j'ai pas été. C'est pas le genre d'affaire qui me choque, mais en même temps, je suis comme, ouais, c'est vrai que ça fait comme. Tu sais, Gianto, il a plus la gueule de tenir un flambeau. Il a l'air plus sérieux, pas mal. Mais Price, sérieusement. Pour vrai, je pense qu'il est mature, puis il prend de la maturité, puis il donne à sa personne, puis tout ça. Il en a vu, il en a vécu pas mal, là. Oh ouais. Mettons que le party, il l'a fait, là. Oh ouais, il l'a fait. il l'a fait. Ah ouais. Il en a profité. Bonne chance à Price, parce que c'est un bon gabarit, puis c'est un, tu sais, je veux dire, pour un goaler, là, c'est la shape parfaite. Ouais, c'est clair. Parlant de la jeunesse, parlons de notre duo de jeunes qui ont finalement fait le team cette année. Galchenyuk puis Gallagher. Ouais. Ça, c'est malade. Ça. C'est fou. Quel début de saison. Ben, Gallagher, on l'attendait parce que l'année passée, au camp, il avait fait une bonne job. Fait qu'on s'attendait que cette année, il finisse par perdre. Ben, en fait, le gros scoreur en plus d'un Bulldog. C'est ça, tu sais. Fait que. Le gros point d'interrogation, c'était vraiment Galchenyuk parce qu'il brûlait la ligue. Lui, on se demandait s'il allait vraiment performer au même niveau dans la Ligue nationale ou pas. Il y a beaucoup de recruteurs qui s'entendent pour dire que. C'est le Canadien là, a fait le meilleur pick overall parce que, dans le fond, Galchenyuk, là, si c'était pas blessé dans ses années dans sa dernière année junior, il aurait peut-être passé avant Yakupov. Il aurait probablement été le premier pick au repêchage avant Yakupov. Pis c'est lui qui aurait été parti probablement le premier. Mais juste parce qu'il a manqué quasiment une année au complet, il a juste revenu comme en fin de saison. ben il n'avait pas beaucoup de buts, il n'avait pas une grosse saison. Il revenait, c'était léger, il a joué peut-être un peu en série. Mais oublie ça, là, c'est, il y a plein de monde qui s'entend pour dire que c'est le pic. Puis actuellement, tu le regardes là, aller, puis c'est... Hey, je suis c'est un talent naturel, ouais, ce gars-là. Là. Donne-lui une coupe de game. Là. C'est ça, il y a 18 ans. Ça fait combien d'années ans, qu'on n'a pas eu un joueur de 18 ans Canadien? Il y a l'air de 18 ans aussi. Je pense que c'était pas Matt... C'était peut-être Svoboda, je pense. Ouais, je pense que c'est Svoboda. Dernier, ouais. C'est Svoboda, puis après ça, suivi de pas loin, peut-être par Naslund. Mais je veux dire, c'est un joueur-là, actuellement, je pense que d'un recrue de la Ligue nationale qui joue cette année, là, qui a été gardé, c'est le troisième meilleur rookie là, en points, en ouais. pointage cette année. Là. Ben là, t'as Tarasenko en avant de lui, là, qu'il domine. Ben, pas qu'il domine, là, il y a peut-être genre 4 points de plus. Là. Ouais. Mais Tarasenko, qui est comme lui aussi. Ils ont gardé beaucoup de joueurs, là, beaucoup de rookies cette année, pareil. Ouais. Qui n'ont pas retourné. Grigorenko, qui jouait dans Grigorenko. À Québec, ils l'ont gardé à Buffalo aussi. Yakupov à Edmonton. Ouais, ben, Yakupov, lui, c'était sûr qu'il allait rester. Puis, Yakupov, on y reviendra tantôt. Mais Yakupov, il n'a pas fait tant de choses en date. Je pense pas qu'il est ici Yakupov, en feu. Ben non, il est dans... Ouais. Il y a pas mal de passes, je pense, aussi. Ouais, là, Yakupov, si je me trompe pas, ouais. Parce qu'il y a pas mal dans les 4 premiers, là. Okay, ben là dans les rookies, là, dans les jeunes reviendra. Qui sont restés. Là. Qu'est-ce que vous pensez du premier trio du Canadien cette année? Justement, on en parlait tantôt un peu brièvement. Là. Ben, toi, tu parles de trio de Plekanec. Là, ça serait Plekhi, parce que Plekhi avec Gianta puis c'est Bourque. Sûr. Ben, Gianta... Ben, c'est explosif. Gianta, puis... c'est bon. C'est, ouais. Moi, j'aime ça. Avec Gianta, à date, il joue bien, là, je veux dire... Bourque, c'est le point d'interrogation, peut-être plus pour le. C'est ça. Le long terme. Là. Pour l'instant, il joue bien. Là. En tout cas, il se donne, là, Bourque. Ah, mais... il se donne solide, là, mais ça va durer, comme on dit tantôt, ça va durer combien de temps? Puis Plekanec, ben, on dirait que lui, on sait qu'il va tout le temps nous faire une saison de 30 quelques points. Là, ouais, c'est un régulier. Là. Ah, plus que c'est ça, ça, même. Ah, ben là, minimum, là, ouais, là, pour une demi-saison. Tenter, ouais, là. Le coupe en deux, ouais, ça. Ouais. Mais je veux dire, il va. Tu sais, il va tant comme faire une bonne saison complète. Puis ouais. Après ça, il va avoir Bourque, c'est lui qui est incertain dans le fond. Mais Bourque, en même temps, il amène peut-être plus l'aspect de physique là, à la ligne. Puis c'est là son utilité pas mal. Là. Ouais. Je ne sais pas s'il va, parce qu'il a manqué des occasions de marquer. Il a manqué des occasions de marquer, là, Bourque. Là, ouais, il y a eu beaucoup de chance. Là. Mais il travaille pas. Puis là, il a eu finalement son premier but récemment. Ouais. Fait que ça va peut-être. Bon, ça a été débloqué, là. Je sais pas s'il continue j'ai à travailler. J'ai pas vu la game contre Ottawa, là. Parce que ce soir-là, on avait d'autres choses. J'entendais la TV en background, là. Puis j'entendais que c'était un fiasco, là, parce que... Ben, c'est bien parti. J'ai entendu 5 fois la maudite, tu sais, là, caserne de pompiers d'Ottawa partir, là, dans le fond, là. Puis après, la craigne 4 fois. Hein. Le pire, c'est que ça a bien parti. Ils ont scoré le premier but. Mm-hmm. Puis après ça, les Sénateurs ont scoré. Après ça, c'est juste les pénalité, sénateurs qui ont score. Puis ouais, White a fait une belle job. Je pense que White a peut-être eu une petite enveloppe, là, genre des sénateurs. Là, ah ouais, tu penses que c'est. Il a parié contre son team ce ouais, soir. Ouais, puis... il a parié contre son team. C'est ça. Ouais. C'est du moins à soir, je chabote la patente. Il nous reste une minute à la période, les gars. Avez-vous écouté la série 24CH? Ouais. Qui est un peu le 24/7. Ouais, que version infopub à mon avis un petit peu trop musique beaucoup trop dramatique romancé. Pour des affaires qui sont pas si dramatiques que ça très romancé mais en même temps j'ai trouvé que si on prend mettons ok on enlève le côté là flashy qu'ils ont voulu donner à patente là, ouais. Si tu regardes juste vraiment là, les images sont écœurantes. Il y a ils ont pris des caméras super rapides là, pour faire ça. Là, genre ouais. Filmer en je sais pas combien de frames secondes, puis le ralentir, puis faire des espèces de ralentis de fou. Là. Ben, ils ont pris la qualité, dans le fond, de 24/7. Ils ont vraiment donné un look tout écœurant. Puis je trouve ça bien parce que on voit des choses que tu sais on verrait pas, mettons. Ben, la chambre, c'est cool de voir un de voir la chambre, puis de voir, mettons, Galchenyuk qui se fait dire bon, t'es dans le team, puis sa réaction. Puis tu vois que sa réaction est naturelle parce que ils ont mis des petites GoPro sur le bureau. Ah, ouais, okay. Puis t'es vois, les petites GoPro, un moment donné, quand ils rentrent, t'es vois. C'est pas dérangé par une quatrième. C'est pas dérangeant avec quelqu'un qui te filme, puis quelqu'un qui est dans la pièce. C'est une petite caméra qui est sur le bord, ça a l'air d'un accessoire subtil, sur le coin d'un bureau, là. Fait que, c'est vraiment. Ouais, c'est grosse production, là, mais sinon, j'ai trouvé que c'était intéressant quand ben même. La narration est écœurante aussi, là, pour vrai. Là, je trouve que ça met beaucoup. Là. Mais ouais, des là, fois, ouais. Je trouve que c'est comme la musique. Là. Bon, moi, mais c'est parce qu'on voulu, on dirait mettre ça trop ouais. Intense. On dirait, là, ouais, mais 24/7, c'est un peu ça et tout. Ah ouais, mais t'as peu. Ouais, mais hey, je me rappelle de l'année que Bruce Boudreau, là, il nous montrait qu'il allait faire du magasinage avec ses petites filles. Là. Non, mais tu sais, on... Non, non, au mais pire, on s'en calisse, le bout qu'ils disent que Plekanec, là, il commence pas la saison, là. Ouais, puis ils te mettent une musique, astie, comme si, là, ils venaient d'annoncer que quand Sakou Koivu a eu le cancer, tu sais, je dis, OK, wow, là. Puis même encore, Sakou Koivu, son cancer, c'était rien comparativement à ça. À genre Plekanec, qui commence pas la c'est saison. C'est ça. Non, non, non. À voir. C'est mineur, là. Sakou Koivu qui a un bon début de saison, en passant. Oh. Ben justement là, c'est la fin de la deuxième période et on va revenir en troisième en parlant de la Ligue nationale en général. On commence la troisième période. C'est parti. Alors ben allons-y avec des infos, des stats qui seront plus up to date demain. Non, mais en date du 1er février. Là. Le Canadien est sixième présentement avec 4 victoires et 2 défaites. C'est bien, c'est un bon début, moi, je trouve. Là. Ouais, c'est pas si mal. Si on compare à l'année passée, là, je pense qu'en le même nombre de matchs, le Canadien avait genre comme 3-4 défaites facilement, 2 défaites, puis peut-être une défaite en prolongation, un truc comme ça. Là. Oh, ça c'est fort probable. Ça ressemblait à ça. Là. Ouais, on avait un début de saison désastreux. Ouais, terrible. Très mal parti, puis ça a été l'histoire de tout le reste de la saison. On avait une victoire, je pense. Là, à date, ça mais se passe en bien. Même temps, faut pas comme. Hey, là, c'est vraiment jeune. Là. On n'a même pas, tu sais, il n'y a même pas 10 ouais. Games de jouer. Oui, on n'a pas 15 games de ouais, jouer. Mais non, mais tu peux commencer à te faire habituellement dans une saison, tu peux commencer à te faire peut-être une idée de ce que ça peut avoir de l'air après une dizaine de games. Mais là, c'est une saison écourtée. Fait qu'on aurait joué 12 games. Non, dans fait le fond, que là, on serait déjà comme 6, au quart, quasiment ouais. Presque au quart de la saison. Ah, non, c'est ça. Là, tu sais, on est à 6 games. Là. C'est ça. On arrive proche du quart là, déjà. Là, tu sais. Mm-hmm. Ça va vite, là. C'est pas beaucoup de games, là. Non, c'est pas beaucoup de games, ça passe vite. Mais en même temps, tu peux... Là, les Canadiens ont eu comme une belle séquence de victoires, là, quand même. Là. Ouais. Ça a bien joué. Sérieusement, ils ont bien joué. Puis l'affaire qui me rassure, c'est qu'ils ont été capables de tenir une avance, de se faire rattraper, puis de finalement gagner le match. Ils l'ont fait 3 fois, à peu près. Ouais. Si je me trompe pas, je pense que c'est 3. Au moins 3 games qui ont été capables de conserver cette avance. Même, ben, je pense sans c'est la game, conserver, la gagner. La game contre les Devils, je pense. C'est-tu contre les Devils? Ils menaient, ils se sont fait rattraper, ils se sont fait dépasser, puis ils ont gagné. Et je me souviens plus, je sais que contre les Jets, ça a été comme ça aussi. Ouais, t'sais, ça se peut. Contre les Jets, oublie ça, là, ils ont... ça va être les Jets, mais... Puis on pensait que les Jets prendraient le dessus. Puis qu'en troisième période, comme faisaient les Canadiens l'année passée, s'écrasaient. Mais moi, une stat qui m'intéresse beaucoup cette année à date. Là. Bon, là, ça a monté avec la dernière game parce qu'on s'est fait scorer comme 5 buts. Là. Mais le Canadien a 15 buts contre, 18 buts pour. Si on enlève les 5 buts qu'on avait avec Boudaille, on était à 10. On était dans les top teams ouais. Qui avaient alloué le moins de buts là, dans la ligue. Là. Puis on parle genre de New Jersey, présentement, il en a alloué 14. Ottawa en a alloué 13. Fait que tu sais, on est vraiment dans les équipes qui en ont alloué le moins. On a 18 buts pour. Ça, c'est pas énorme, mais c'est positif au moins. On est dans le plus. Ben, 18 buts pour en 6 games. C'est 3 buts par match qui est quand même pas si mal. C'est ça, c'est une bonne moyenne. Fait que si on regarde ça, moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que la défensive est beaucoup plus efficace cette année devant Price. Ça fait une différence, je veux pas, parce que t'as beau avoir. Moins de shots. T'as beau avoir. Moins de chance. Mais pas juste moins de shots, des shots contrôlés. Parce que si tu y donnes. C'est correct ça, de là, tirer sur le gardien, mais il faut juste. C'est mise au jeu, là. C'est ça, ça dépend là. Où tu y donnes. Si le défenseur couvre bien son angle, puis que le gardien a un arrêt, genre juste bien positionné, ça, c'est l'idéal. Puis c'est ça que ça prend dans un sens. Puis est-ce que tout ça coïncide avec l'arrivée de Jean-Jacques Desgnaux? Hein? Parce que sérieusement, là, il y a une affaire que j'ai remarqué, c'est que oui, t'as rien, il y a plus de vie en arrière du banc, ça, c'est pas dur à battre. Mais Jean-Jacques Desgnaux parle beaucoup en arrière du banc. Tu le vois qu'il est vivant, il est là. Ça a l'air pas mal plus dynamique. Je veux dire, ça peut juste avoir du bon. Puis le power play, ben il marche. Tu sais. Moi, sérieusement, j'aurais aimé ça qu'Alex soit là pour nous ostiner sur tout ce qu'on dit à soir. Là. Ah ben Alex sera là au prochain épisode, il va être remis de sa blessure et pour revenir nous dire qu'il connaît plus le hockey que nous autres. Ouais. Et... Bien sûr, à prostate. Moi, j'aimerais dire que Gérard Gallant, c'est-tu un nom assez... Que tu devrais pas t'attendre à avoir un anglophone. Des Red Wings surtout, de toi, surtout que son nom, c'est pas Gérard Gallant, c'est non? Gérard Gallant. Ouais, c'est ça. C'est Gérard Gallant. Ben, c'est un ancien joueur des Red Wings. Ça, qui tout ce que j'avais à dire, moi, c'est des infos complémentaires. C'est bon, ça, Martin. C'est bon. Ben non, c'était un bon joueur. Et le numéro 7 qui part en échappée avec des informations comme ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, non, non, mais je pense que c'est Red Wings. Pour vrai. Mais ça me semble c'est quelque chose comme ça. Mon père m'en parle encore là, pas longtemps. Parce mais que moi, pas pour revenir dans les stats, là. Ouais, ouais. J'ai quelque chose à dire aussi. Moi, Ottawa me surprend cette année. C'est ça que j'allais dire. Présentement, dans la conférence de l'Est, Ottawa sont les premiers avec 5 victoires, une défaite et une défaite en overtime pour un bon total de 11 points. Après ça, on tombe à Tampa Bay. Gros 10. Début de saison pour Anderson à Ottawa. Ouais, ouais, Glenn ouais. Anderson, le goaler. Il y en a un qui a beaucoup dans le fond, de difficultés. Les, top 3, là, c'est Ottawa, Tampa Bay, New Jersey. Ouais. Après ça, on a Boston, Islanders, Montréal, Toronto, Pittsburgh. Ça fait que ça, à date, c'est le top 8. Là. Ouais. Il y en a un qui a de la misère à Ottawa présentement, c'est Guillaume Latendresse. Guillaume Latendresse, j'allais vu l'autre jour sur un... Il a pogné un tir de pénalité, si je me trompe ouais. pas. OK. Latendresse, puis il est chié comme... dans la mythe. Mais c'est le patin, lui, il l'a jamais eu. Le ouais, patin, des grosses jambes pour vrai, là. Mais là, il y a un début de saison tranquille. Il y avait une passe seulement à date en 5-6 games. Son temps de jeu était de 13 minutes, il n'a pas arrêté de descendre depuis le début de la saison. Le coach des Sens a dit qu'il voulait de la tendresse, qu'il joue un jeu plus physique, plus robuste. Mais c'est parce que c'est comme 3-4e coach qui demande de jouer un jeu plus robuste. Là, c'est comme c'est un gros joueur qui joue pas physique. Là. Ben, c'est dur à dire, ces joueurs-là. Il me fait penser, moi, à celui qu'on a eu de Boston en échange contre la tendresse, là, dans le fond. Pouliot. Pas de Boston. Excuse-moi. Il est rendu à Boston. Il est rendu en fait avec Tampa Bay. Mais il a passé par Boston. C'était Columbus. Puis il venait du Wild. Il venait. Ouais, non, excuse, c'est il ça. Venait il venait du Wild Minnesota. Puis... Tu vas tous les avoir dit bientôt. C'est vrai, je pense aussi, j'ai en train de passer à la Ligue. Tous les genres de nouveaux teams là, qui sont rentrés, club d'expansion. Non, mais pour vrai, là, tu sais, c'est comme. On a eu Pouliot, il me fait passer. C'est le même genre. La tendresse, il y a eu une super bonne saison cette année-là quand il est arrivé avec Minnesota. Le Wild, ouais. Il y a eu une super bonne saison. Mais je veux dire, il a été blessé pas mal après. Commotion, puis la ouais. patente. Là. Ouais, puis ils ont tout. Ils ont... Mais c'est pas un mauvais joueur en tant que tel. Mais on dirait que tu sais pas ce qui va arriver. Il avec... est mou, la tendresse. Non, mais il est comme pas en shape. Des grosses jambes. Il se fait souvent dire qu'il est pas en shape. Puis il y a eu souvent des blessures de gars de pas en shape. Tu sais, là, des blessures à laine, puis des affaires de même, puis tout ça, des blessures abdominales, ouais. là, tu sais, là, puis ça, souvent, c'est des gars qui... La moi, faute, je sais pas, mais la c'est de des la gars ville qui neuve, sont pas ça. Prêts. Ouais, la Villeneuve, hey, parle-moi-en pas de la faute Villeneuve. La faute de la Villeneuve. Mais Pouliot, tu vois, il est passé par chez nous, on l'a eu, puis Pouliot, il a rien fait, puis la tendresse... Il a rien fait. C'est un peu la même affaire. Il se promène, puis il se cherche encore. C'est ouais. un joueur qui n'a pas trouvé son style. Ouais. C'est lui qui n'a pas trouvé son style, ou c'est... il n'y a pas eu de coach qui a su l'exploiter encore? C'est... Non, non, non. C'est ça faute à lui, tu penses? Ouais? Là, rendu là, au nombre de teams qu'il a fait, ouais, ça, style, là, je pense ouais, que c'est plus un coach. Là. Ouais. Parce qu'il s'est fait backer, ce des gars-là. Là. Il s'est fait donner la chance, mais... Bon, hey, Mark, bon point. Mais Villeneuve. Bon point. Mais Villeneuve, c'est à Villeneuve. Tu marques un bon point. Bon point, Mark. Hein? Bon point. Elle l'a brûlé. Te le donne, celle-là, tatouée. Elle l'a brûlé. Les Sénateurs sont premiers dans l'Est, mais ce n'est pas les premiers de la Ligue. Les premiers de la Ligue, c'est les Sharks de San Jose dans l'Ouest présentement. Ouais. Les Sharks. Puis il y en a deux qui sont en train de brûler la Ligue, justement, dans les Sharks. Monsieur Marleau et Monsieur Thornton. Ouais, parlons-en brièvement. Thornton, le gars qui est pas capable de finir pour aller vers une Coupe Stanley. Puis Marleau qui est genre présentement là, quand on se parle le 1er février, là, il y a 9 buts en genre 7 games. Ah, ça ouais. va bien. Sérieusement, il me fait passer à Phil Kessel l'année passée à Toronto qui avait comme commencé un petit gros début de saison de fou. Phil Kessel d'ailleurs à Toronto qui présentement est dans des rumeurs d'échange parce qu'il chie dans la mythe. Ah ouais. Solide. Hey, là, Phil Kessel, là, pour vrai, là. C'est mou, là. Puis quand tu penses à ça, Phil Kessel, c'est le joueur qui a coûté la job à Brian Burke. Ouais. Brian Burke, parce que Burke, là, dans le fond, là, Burke. Lui, là, il est allé chercher Phil Kessel à Boston. Burke? Il a donné ses choix de repêchage. Puis Boston sont allés chercher Tyler Seguin. Puis Doggy Hamilton avec lui. Puis Doggy Hamilton à Def, il joue cette année. Puis Tyler Seguin, c'est juste comme. Tyler Seguin, ils se sont fait. Ça a fait des pointages, là. Ouais. Là, on voit ici qu'on a Thomas Vanek en première position. Ouais, on a les tops présentement. Il y a 15 dans points catégories. Présentement, là. Au total des points, il y a 15 points. Premier Vanek, février. Là, pour vrai, là, c'est... La photo de Vanek, là, on dirait Brad Richard, man. C'est quoi cette photo-là, man? C'est très bon, Dave, dans un podcast, de parler de visuels qu'on est les seuls à avoir. Non, mais imaginez-vous, là, que là, on a le nom de Vanek, là, souligné en gras, là, puis ouais. La photo, on dirait Brad Richard. Ben non, c'est Vanek, ça. Mais non. Hey! Ben bon, Marlo, qui a présentement 9 buts en 6 games. Marlo et 9 buts. Suivi de Vanek et Daniel Winnick. Oui. Brad Marchand, 4e, et Jason Winnick, ça, c'est rookie de cette année, ça. Je pense que oui. Puis Brad Marchand, ben lui, je l'haïs. Cyrano. Ouais, ben il est facile à détester, Cyrano. Brad Marchand. Ouais, sérieusement. Surtout à Montréal. Ouais, effectivement. Là, Brad Marchand, c'est quelqu'un que je prendrais volontiers à Montréal. Parce qu'il me fait suer terriblement. Puis ouais. Les joueurs qui me font suer. Un peu comme Cole. Moins, ouais, Cole, avant qu'il vienne à Montréal, Cole, j'étais pas capable de le sentir. Non, c'est le joueur probablement que j'ai essayé le plus dans la ligue. Non, mais sans chance de d'avoir un joueur comme Brad Marchand, moi je trouve que c'est des gars ça, qui t'apportent du spirit. C'était un tabarnak. Ouais, c'est ça, tu sais, il fait suer. Comme nous autres, on est chanceux d'avoir un Souban parce j'aime que pas ça fait suer tout le monde. J'aime pas la face à Marchand. Moi non plus, j'aime pas, mais c'est pour ça. Si je l'avais dans mon team, je serais content. Tu sais, mais j'aimerais pas plus la face. Ah oui, je l'aimerais pas, son mec. Ah, moi, il y a une face qui me revient pas. Dans les recrues de la Ligue, il y a Nel Yakupov qui a fait son premier, deuxième but récemment. Ben oui. Et il y a eu une célébration qui a apparemment suscité controverse. La première ou la deuxième? Celui qui a slidé sur les genoux, que je parle là. Moi, cette célébration-là, pour vrai, je me suis dit, OK, il se flippe le jersey par-dessus la tête, puis c'est comme une célébration de soccer, tu sais, là, ouais, en Europe. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a fait, le gars qui se sauve tout seul... Puis qui s'en va, puis qui slide à terre, tu sais, au soccer, il, comment il, ils sont il a fait gagner une game qui était en prolongation. Ah ouais. Il y a eu un but refusé, puis après ça, il a finalement compté, puis ça a compté, puis c'était bon. Ce qu'il a fait, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est qu'il a pas serré la main à personne, mais il est vraiment parti en flèche vers l'autre côté. Puis tous les joueurs de son équipe sont venus vers lui, puis lui, il est comme passé entre tous les joueurs, en patinant comme un défoncé, puis il a slidé il sur slidé, les genoux. Ouais. Avec les bras dans les airs, comme une célébration de Coupe Stanley. Il s'est couché au sol, puis il a fait l'étoile. Il a pris un bain de foule. Ouais, carrément. Il a pris son bain de foule, il s'est soigné, là, dépassé la zone neutre jusqu'en zone adverse. Mais toi, t'en penses quoi? Pis, ben moi, j'en pense pas que... ça ou les, moi, les j'ai célébrations rien... de même? Non, parce que moi, je... ben, moi personnellement... Ou ça moi, te fait rien? Moi, je suis assez... Ben, c'est pas que ça me fait rien. Moi, je m'en colle. Moi, j'aime ça. Ça... Moi, je suis assez conservateur. Sérieusement, moi, comme fan puis comme partisan de hockey... Aurais-tu voté Harper, mon salaud? Non. Non, mais je suis assez conservateur comme... je trouve que ton but, là, quand tu scores un but, là, c'est pas ton but, c'est le but de l'équipe. Puis tout le monde qui s'aligne, s'aligne avec toi, c'est grâce à eux autres si t'as fait ce but-là. Parce que s'il n'y avait pas eu le rebound, s'il n'y avait pas eu ci, ça, c'est pas juste ton mais coup, ça amène un aspect chaud... Aussi. Au hockey. Que ça met un aspect chaud au hockey, mais surtout c'est là, dans que... ce cas-là, c'était la fin de la game en prolongation, but refusé. Le timing était semi-bon. Sais-tu quoi? La seule affaire, c'est que je trouve que la glissade était un peu loin. Un peu intense. Un peu trop loin, puis un peu trop genre comme « Oh my God, c'est mon premier but. Checkez-moi, je suis là. Je suis tout seul. » Je suis quasiment rendu dans le net de mon goaler. D'accord avec les propos de Don Cherry? J'ai pas entendu les propos de Don J'ai Cherry. Les propos de Don Cherry. Je pense pas que tu vas être d'accord avec j'ai les un beau 2 minutes de dialogue de John Cherry qui commente sur... Don Cherry. Ce sera mon 2 minutes de pénalité de la semaine qui va à Don Cherry. Et voilà. Watch this here. Better get going, because Nail Yakupov celebration, I'm sorry to bring it up. I think we're all weary of... No, I'm not weary of it. No, and look at here it comes and he gets a penalty again. All right, never mind that. What a game. Show the one. And listen, if any time you want to make our highlights at the start, just act like an idiot like this. You'll get in our highlights, okay? Now look at this. Look at this here. Puts it in. And now I want you to watch what happens after quick. Look, he lays down. Now watch this. You've seen it 100 times. I'm going to talk over. They go back to here's the MVP of the National Hockey League. Here's the guy, the best goaltender in the world. He's embarrassed him laying there like that. I am telling you. LA is going to remember this. They will remember this till the dying day, that you don't do stuff like that. And you know, everybody says to me, yeah, but what about Fleury? Show Fleury. Go ahead. Show Fleury. And he was on TV today. Watch this here. All right, I'll tell you about this here game. This was in Edmonton, and he won the game. Now watch him act like an idiot running around like this. It's nice to be known 20 years later for something. Also a kid, though, at the time. I don't care what he is. You don't act like that. Now let me tell you what happened here. Now they go in the dressing room, and they come back to Calgary, and Calgary runs up a score, 3-0. And Messier goes in the dressing room and says, are we going to lose to these guys with that Fleury acting like that, embarrassing us? We got to go out and win this game. And they went out and won the game. You cannot act like that. When you do that, all you do is turn the guys against you. People are turned against hockey players, people that know. How do you know Messier said that? I know. Oh, and I know why, right? Because I should have said it. I talked to Craig Simpson. He was in the dressing room. Don't act like that, kids. You'll be in trouble every time. Not only did he hurt himself, he hurt Edmonton too. Bon, premièrement, j'aimerais juste dire que pourquoi on écouterait les conseils d'un gars qui s'habille avec une nappe de Noël calice, là? Ouais. Bon, OK. Deuxièmement. Ça, c'est dit, bon. T'as crevé l'abcès. Ouais, deuxièmement, ta gueule, Don, là. Hey, sérieux, là. OK, le okay Don, t'as beau pas aimer ça, pour t'es ceux pas d'accord qui ont avec pas compris, ça. Il a dit que c'est d'agir comme un idiot de faire ça, puis que là, il sort un cas de Théorène Fleury en 90 contre Calgary. C'est comme, man, tu sors des affaires qui datent de 23 ans. Ta gueule. Théorène Fleury, c'est quoi? Je me souviens plus, il avait comme slidé sur le banc. C'était 3-0 en deuxième. Il a slidé ses genoux. Ils sont allés dans la chambre. Puis ça a l'air que, genre, Messier, puis tout, il aurait dit, on se laissera pas écœurer par un petit crise de même. Puis ils ont gagné la game. Comme si le slide de Fleury avait fait perdre, genre, l'équipe. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que moi, c'est-tu quoi? Moi, mettons, là, que je suis un def, ou je suis comme un ailier qui a mis le puck sur le tape de Yakupov, OK? Peut-être ça me fait chier qu'ils viennent pas célébrer le goal avec moi. Ah, peut-être, là. Puis qu'ils me pointent pas, me la dire comme, oui, c'est à toi. Tu sais, ça me fait penser un peu comme des séries quand Montréal a gagné la coupe la dernière fois. Il y avait le défenseur qui avait comme... Je pense que c'était Brian Bellows ou... je me souviens plus. Il avait lancé au goal, puis c'est comme... Il y avait eu une... Tu sais, comme une déflexion en avant du goal, puis c'était quelqu'un, puis il s'était pointé lui-même en voulant dire, c'est moi qui l'ai scoré, tu sais. C'est comme, non, tu veux pas voir ça, là. Ah, oh, mais tu est-ce que c'est si. Qui se disent comme, hey, mais les célébrations, c'est cool, pitch tout dans la bande. Non, mais. Célébration, c'est parce qu'il y a une différence dans les célébrations, dans le sens que c'est. Ils le feront pas à chaque game. Yakupov fera pas ça à chaque but qu'il va faire, j'ai l'impression. Lui, non, c'est un jeune. En même temps, il a comme sauté parce qu'il a fait gagner le team avec son deuxième but dans la ligue. Moi, je pense que ça dépend. Justement, il y a une question de dosage. Tu sais, OK, je pense qu'il a peut-être overreacté. Mais Don Cherry, il a comme overreacté mais sur. Mais Don Cherry, oublie ça, là, c'est comme extrême droite. Là, non, je le sais. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que. Tu sais, autant Yakupov il a peut-être exagéré, mais Don Cherry, c'est un épais, là. Tu sais, ferme ta gueule. Je suis pas d'accord avec lui parce qu'il pousse bien trop le bouchon loin. Mais je dis juste une chose. Je suis d'accord que Yakupov, il en a peut-être mis un peu trop pour le show. Mais pour le fan en tant que tel, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ben, il n'y a rien de mauvais, mais moi, je sais Au pas. Football, moi, il célèbre, puis c'est qu'est-ce que ouais, ça fait? Mais le coach, c'est deux affaires complètement différentes. Par exemple, le hockey puis le football, c'est... Donc, basket, ouais, mais football, comme David dit, pour le fan, on regarde ça, puis regarde-le, il est content, c'est le fun à voir, mais le coach, je vais peut-être aller y parler, puis il dit, le gars, moi, quand j'ai vu Galchenyuk compter son premier but, Gallagher, c'est lui qui a fait la passe. Puis Gallagher a pointé Galchenyuk quand Galchenyuk a compté son but. Puis Galchenyuk, là, tout ce qu'il a fait, là, il est parti, man, en patinant comme un débile mental, puis il a sauté dans la bande. Ah, mais c'est parce que t'es pas loin tes teammates, là. Il capotait, tu sautes dans la bande, man. C'est comme... Ouais, mais tu sais, tu te pitches pas loin, t'es dans le coin, puis tous les gars sont là, puis c'est comme, tu sais, qu'ils viennent te rejoindre. Ouais, là, c'est ça que je te dis, Yakupov, il est vraiment passé à côté de tous ses joueurs. Tu fais un sprint, c'est différent. Il était exagéré, là. Il était quasiment rendu dans le net. Il a poussé le bouchon, presque dans son net. Ah ouais, mais ça, c'est comme, c'est un sprint, tous les autres, ils veulent te toucher, puis c'est comme, hey man, t'as scoré tout ça. Il a poussé un peu. Il a poussé un peu, mais tu sais, je veux dire. De là en faire une grosse non, histoire, moi je m'en colle. Moi tout, je m'en crisse à ce point-là, sérieusement. C'est pas quelque chose qui ça me dérange pas. Mais pourquoi Don Cherry? J'aime les célébrations. John Terry. John Terry. Mais John Terry, puis dans le fond, c'est-tu bien pire que quand tu viens, genre même, là, Timu, c'est l'année, là, d'un début année 90, Timu. Là, que, genre, là, lance son gant dans les airs, puis il fait comme si son bâton de hockey, c'était un shotgun, genre, puis il tire son gant, genre, qui retombe, là, tu sais. La pire comme... célébration ever, je pense que c'est celle de Jagger. J'haïssais Jagger juste parce qu'il faisait son petit salut, il enlevait son gant. Mais ça, c'était une affaire. Faisait parce son que... petit salut fif de militaire, man. Avec sa belle coupe longueuil. Ça, c'était pas une affaire, je pense, de son grand-père qui je est mort à guerre. Je l'aurais ramassé, man. J'y aurais mis à péter les dents dans la bande, man. Moi, j'ai tant trouvé ça fresh, man. Ah, moi, j'ai trouvé ça grand, man. Wow, si, je trouvais ça cool, man. Ah, moi, je trouvais ça fun. Son numéro a rapport avec une affaire militaire. Ah ouais? Ouais, 68, je pense que c'est comme l'année de la guerre en République tchèque ou ce qui s'est passé de quoi de gros. Puis je pense que son... grand-père ou quelque chose, c'est pour ça un salut militaire, tu sais, quelque chose comme 68, là. D'historique là, comme pour lui là, quelque chose comme ça. Mais 68 en République tchèque, ça veut dire quelque chose là. C'est l'année qui s'est passé quelque chose dans l'histoire là. Moi j'ai tout aimé Jagger. Quel grand joueur. Ah, yeah, 14 tours quel chapeau coupe de cheveux. Ah ouais, tu sais ben, déteste, le mieux. Déteste Jagger. Il a pris 68, ça pas loin du 66 en même temps. Et c'est la fin de la troisième période. Bon. Écoutez, les gars, on ira pas en overtime. Juste finir sur une petite affaire avant qu'on arrête. Là. Avez-vous vu Tyler Seguin en tir de barrage? Non, ouais. Le hot dog. Tyler Seguin contre Edberg qui se fait lancer un hot dog. Moi qui joue avec mon volume. Il y a eu des reines de volume ici. Il a comme monté mon volume. Je sais ce qui se passait. J'ai entendu péter. Hey, arrête de jouer avec mon volume. J'entends plus rien. Man. Non, mais c'est ça. Tyler Seguin qui s'en va en tir de barrage contre Edberg. Puis qui se fait lancer un hot dog par un full. Par un fan sur la foule. Un fan sur la foule. Un fan qui pêche un hot dog sur la glace. Un hot dog, justement, du TD Bank. En tout cas, vous irez voir ça sur notre page Facebook. Ouais, il l'a sur notre compte Twitter aussi. Ouais. Facebook. Puis t'as un Seguin qui revient puis qui redéjoue Edberg puis avec une attitude de champion. Hey, puis attends, ok, juste pour ajouter une affaire, là, vraiment, là, c'est juste pour dire aussi la victoire de John Scott contre Thornton de Boston. John c'est Scott fou, qui man. A voulu tellement venger leur goaler. Dans c'est le fond, malade, là, qui, dans le fond, il était même pas là au moment que... Il veux te dire, le que, ramasse, là. Que Miller s'était fait blesser. Mais il a vengé, je pense, là, toute la saison que ça a coûté à Boston de ne pas avoir Miller. Bon, il t'a rincé, Thornton. Ah ouais, mais il te l'a gêle. Malheureusement. Ben, c'est pas... Mais je sais, tu sais, une commotion, on souhaite jamais ça à personne. Non. Sauf un joueur des Bruins. Puis sérieusement, Scott, c'est tellement drôle parce que j'ai l'impression qu'il va passer, là, les gars, là, de Boston un après l'autre en série. À chaque fois qu'il va avoir un match contre eux autres, il va tous les essayer. Puis il est capable de prendre Chara, c'est ça qui est cool, pareil, parce qu'il est grand et il est gros. Il est grand, ouais. Ah ouais, John Scott, là, je pense qu'il est pas loin de 280 livres, puis... méchante pièce, ça, là. Ben écoutez, messieurs, ça fait le tour du match pour aujourd'hui. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Et de notre discussion enflammée. C'est qui gagne? Mais tout le monde gagne. Mais tout le monde gagne. Les fans ont gagné. On a déjà hockey. Mais c'est merveilleux. Ouais. Mais c'est merveilleux. Donc, écoutez, si vous nous cherchez sur Internet, on a notre adresse web maintenant, lasoireedupodcast.ca. On est aussi @soireedupodcast sur Twitter. Puis également sur Facebook, la soirée du podcast. Facebook.com. Facebook, Twitter. Les gars, où est-ce qu'on peut vous rejoindre cette semaine? Ou, un commercial si MR_MiniWheat. Ouais. Martin. Un commercial DMV0480. Et moi, un commercial JF Cromp. Écoutez, la jasette hockey. Ben, la jasette hockey. La soirée du podcast. La soirée excusez-moi, du podcast. J'ai fait un lapsus ici entre deux podcasts. Ben, gros lapsus. Un gros lapsus. Ça va revenir. Lapsus. Là, on est en réflexion et on va tester des choses. On va peut-être commencer à faire des petites soirées du hockey express après les matchs. On essaie de... On pense à des choses. Google Hangout, tu sais, live, là, que le monde va pouvoir nous voir en vidéo et recevoir des appels du public. On check. Ben après le podcast, de toute façon, vous autres, vous brainstormez ça pendant un bon 4-5 heures de temps. Oh, ouais, on s'arrête pas, nous autres. Des idées, là. On lance des idées sur des feuilles. Du matin. C'est fou. Vous êtes forts. Ben, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, on va vous dire ça. On est partout. On est partout. C'était Jean-François Cromp. David Thibodeau. Et Martin Véraud. Pour la soirée du podcast. Ciao tout le monde. Bye.